les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1905, environ 120 000 personnes assistèrent à son enterrement. Louise Michel fut, de son temps, une célébrité, un symbole, une icône et même l'objet d'un véritable culte. En 2012, lors d'une conférence prononcée à la Bibliothèque nationale de France, Xavière Gautier, biographe et éditrice de plusieurs de ses textes, tâchait de faire découvrir la réalité derrière la légende. Elle soulignait l'importance fondamentale de l'œuvre littéraire de la Vierge Rouge, méconnue, et comme elle le disait, aussi foisonnante, syncopée et mouvementée que sa vie. L'œuvre poétique et politique d'une femme qui très tôt sut faire le lien entre les différentes formes d'oppression, celle du peuple et celle des femmes tout particulièrement. L'Éloge du Savoir, le salon de lecture de la Bibliothèque nationale de France, une émission présentée par Christine Goémé et diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 mai 2012. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, le salon de lecture de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France et Jean-Loup Graton, qui en dirige les manifestations culturelles, ont permis la mise en place d'un cycle de conférences qui ont eu lieu dans le grand salon de la Bibliothèque de l'Arsenal. Ce cycle est consacré à des figures de femmes du XVIIIe et du XIXe siècle, féministes et militantes, écrivains et anarchistes. Guillotinées emblématiques comme Olympe de Gouges ou Manon Roland, féministes, anarchistes et socialistes comme Flora Tristan ou encore Madeleine Pelletier, ont fait l'objet d'une conférence. Comme l'écrit Martine Red, qui a conçu et organisé ce cycle sur les femmes engagées, ces femmes de lettres et d'action ont rêvé d'un monde meilleur pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Elles ont laissé des textes qui gardent trace de leur prise de position dans les débats de leur temps et de leur combat en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, du divorce, de l'instruction et du travail. Le lundi 6 février 2012, l'écrivain et essayiste Xavière Gautier, qui a établi, annoté et préfacé un grand nombre de textes consacrés à Louise Michel, nous proposait un portrait de celle qui fut de toutes les révoltes et de toutes les luttes de son temps. Mais Xavière Gautier nous rappelle que Louise Michel est également un immense écrivain, ample et complexe. Les textes sont lus par Emmanuel Vion. Écoutez. Le nom de Louise Michel fait écho à tous comme celui d'une célèbre révolutionnaire de la Commune. Née en 1830 à Vroncourt-la-Côte, dans un petit village de Haute-Marne, de Marianne Michel, domestique, dans un château, et de père inconnu. La blonde domestique a été séduite par le châtelain, mais contrairement à la tradition, elle n'a pas été chassée. Et son enfant, Louise, a le droit d'appeler monsieur et madame de Maïs grand-père et grand-mère. Il l'élève dans un château glacial délabré, mais envahi par tous les animaux que Louise ramasse. Et qui devient très chaleureux, ce château. La bâtarde a connu d'intenses bonheurs physiques, comme de galoper comme un cheval échappé dans les bois, comme de grimper aux arbres, bonheurs intellectuels comme de jouer du luth ou de lire les grands philosophes, toutes choses fort déconseillées aux filles à l'époque, mais que ses grands-parents, libéraux, lui offrent en guise d'éducation. Tandis que sa mère essaie de lui inculquer la soumission aux valeurs établies et la crainte de Dieu. Et enivrée par la beauté des chants à l'église dans la pénombre, elle va vers le mysticisme chrétien. Plus tard, jeune fille, insolente, fougueuse, elle menace un prétendant au mariage de lui faire des cornes plus grandes que celles d'un cerf. Elle écrira après dans ses mémoires, « Comme toutes les femmes, je plaçais mon rêve très haut ». Son rêve, à l'époque, son fol et unique espoir, c'est d'être poète, comme Victor Hugo, son idole. Elle écrira d'ailleurs des vers toute sa vie. Mais son désir de devenir poète est remis à plus tard devant l'urgence de travailler. Elle devient institutrice, passionnée par son métier, avec des méthodes d'enseignement très modernes, actives. Et puis, féministe dans l'âme, elle veut que les filles aient la même éducation que les garçons. Elle veut tout leur apprendre, les mathématiques, le théâtre, elle leur fait jouer des pièces de théâtre, les sciences naturelles et même l'éducation sexuelle. Alors qu'à l'époque, on enseignait surtout aux filles le catéchisme et les travaux d'aiguille. Montée à Paris pour mieux combattre l'Empire, elle ouvre un externat à Montmartre. Elle fréquente les meetings politiques, elle se radicalise de plus en plus. Elle se lance dans la lutte républicaine, elle devient républicaine, elle était royaliste. Et elle songe même à assassiner Napoléon III. Elle devient présidente du comité de vigilance des femmes du 18e arrondissement. Et après le désastre de Sedan, pendant le siège de Paris, elle se donne sans compter pour soulager la misère du peuple, humilié, affamé. Et elle dit qu'elle est attentive au grondement d'en bas. C'est une belle expression d'elle. Elle sent monter la révolte, elle pousse elle-même à la révolte et dit « c'est dans la révolution que battront nos ailes ». La révolution arrive, c'est la Commune de Paris. Au petit matin du 18 mars 1871, Louise Michel est une des premières à sonner l'alarme contre l'armée de Thiers. Le peuple se soulève, alors c'est encore une expression d'elle, dans une aube splendide de délivrance. La Commune est proclamée le 28 mars et à partir de cette date, la citoyenne Michel va se donner sans compter pour aider les délégués de la Commune, les soutenir. Elle leur propose même d'aller tuer Thiers, ce qui fait dire à Ferré, l'un de ses dirigeants, qu'elle est une fanatique de la cause, ce dont elle est très fière. Dès que le gouvernement est attaqué par l'armée versaillaise, elle devient soldat et elle fait le coup de feu pendant presque 2 mois, presque sans répit, tout en étant quand même infirmière et ambulancière. Elle vise très bien et elle est d'une intrépidité folle. Alors, c'est l'image la plus répandue de Louise Michel, une grande femme brune, aux traits taillés à la serpe, toute vêtue de noir, brandit un drapeau au-dessus d'une barricade, tandis que les balles ennemies sifflent à ses cheveux, ou bien, vêtue d'un uniforme de garde nationale, elle tient une carabine Remington. On la voit aussi, on l'imagine aussi, grimpant au sommet d'une barricade pour sauver un petit chaton qui miaule désespérément, affolé par la mitraille. Elle-même vibre de plaisir à l'évocation de ses combats. Oui, barbare que je suis, j'aime le canon, l'odeur de la poudre, la mitraille dans l'air, mais je suis surtout éprise de la révolution. Les Versaillais sont victorieux, c'est la semaine sanglante. Ils ne réussissent pas à capturer Louise Michel et ils prennent sa mère en otage. Elle vient très vite la délivrer et se livrer à sa place. Prisonnière à Versailles et s'attarde dans des conditions atroces, elle ne se plaint jamais. Elle vient en aide à ses compagnes et elle brave ses gardiens. À son procès, elle apparaît toute voilée de noir, véritable incarnation de la commune morte. Et, contrairement à la plupart des accusés qui, très humainement, essaient de minimiser leur rôle pour sauver leur tête, si c'est possible, elle revendique hautement tous les faits et gestes dont on veut la charger et elle réclame la mort à grands cris, ce qui la rend célèbre dans tous les journaux, dans toute la France. Elle est condamnée à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie et elle s'embarque sur un vieux voilier pendant 4 mois. Là, parmi ses camarades souffrant, désespérés d'être exilés à 20 000 km de chez eux dans cette île peuplée de dangereux cannibales, elle est pleine de bonheur, elle est enfin sur la mer, elle qu'en avait toujours rêvé, et elle se dépêche d'écrire des vers. La vue de ces gouffres enivre, il devient trop étroit de vivre. Là-bas, en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions de vie si difficiles que certains des déportés en meurent, elle fait œuvre de botaniste et de zoologue et elle envoie ses observations à l'Institut de géographie. Curieuse, audacieuse, elle s'enthousiasme pour les paysages arides, les couleurs étranges, les odeurs foisonnantes et les cyclones qu'elle adore. Quand les éléments sont déchaînés, quand les griffes d'écume blanche énormes grimpent à l'assaut du rivage, quand bêtes et gens se terrent épouvantés, Louise Michel sort de sa case. Dans la nuit, elle marche, exaltée par la terrible beauté de la nature. Il y a dans les flots comme une poitrine qui râle. Et surtout, alors que tous lui conseillent de ne pas s'aventurer du côté des Kanaks, grand danger, elle va vers eux, les mains tendues, elle devient leur institutrice et leur amie. Et quand ils se soulèvent contre l'invasion des Blancs, elle est la seule à prendre leur parti et même à les aider clandestinement. Quand elle revient en France en 1880, elle est accueillie par une foule en délire et à partir de là et jusqu'à la fin de sa vie, elle ne cessera de prêcher la révolution et l'avènement de l'anarchie. Levez-vous tous, les grands chasseurs d'étoiles. Pourtant, la vie est dure. Le pouvoir la pourchasse constamment. Elle ne peut pas faire un pas sans être suivie par un mouchard. Les rapports de police s'accumulent. Elle est emprisonnée plusieurs fois pendant de longues années, dont une fois à Saint-Lazare, parmi des prostituées, dont elle prend vigoureusement la défense. Elle fait des tournées de conférences dans presque toutes les villes de France, et en Angleterre, et en Belgique, et en Hollande, et même en Algérie. Et partout, elle soulève des acclamations, mais également des injures et des invectives. Elle reçoit des marques de vénération, des bouquets de fleurs, mais aussi des pieds de banquette et un jour 2 balles dans la tête, qui n'entament pas sa détermination. Elle soutient et admire les anarchistes poseurs de bombes et leur dédie son dernier livre « Aux tueurs de monstres pour que vive l'humanité ». Même très vieille, même usée et malade, elle ne renoncera jamais à son utopie libertaire et à la porter dans les meetings. Elle meurt dans la misère en 1905, à 75 ans, et son enterrement est suivi par 120 000 personnes. Alors, 120 000 personnes, ça veut dire qu'elle était très célèbre. Sa célébrité, j'en dis quelques mots. De son vivant, Victor Hugo la voyait plus grande qu'un homme, et c'est supposé être un compliment. Verlaine lui a décerné le titre de presque Jeanne d'Arc, ajoutant « Louise Michel est très bien » dans un poème. Jules Vallès renchérit « Louise Michel, notre Jeanne d'Arc à nous, est un homme de combat. Cette sœur de charité est aussi un frère d'armes. » Henri Bauer, le fils d'Alexandre Dumas, la parée est carrément d'une auréole, elle a la bonté angélique, l'inaltérable douceur, la patience inépuisable, le dévouement, l'abnégation d'une sainte. Séverine, la première femme journaliste, admirait Louise de la misère et de la miséricorde, vibrante comme la révolte. Georges Clémenceau saluait une chrétienne des premiers jours. On l'a idéalisée, on lui a rendu un véritable culte en images, comme le tableau de Girardet où Louise Michel, tout cheveux défait, harangue les hommes couchés à ses pieds, ou encore mieux, la peinture de Steinlein où Louise Michel, seins nus, est au sommet d'une barricade. On voit qu'on est en pleine idéalisation, en plein culte, et aussi loin que possible de toute vraisemblance. Sa postérité est également très riche. Sans surprise, de nos jours, des gens comme Besancenot a placé le parti anticapitaliste et Mélenchon, le Front de Gauche, sous l'auspice tutélaire de Louise Michel. L'association Oser le féminisme place en exergue une phrase de Louise Michel sur l'égalité entre les deux sexes. Le bateau français de la flottille d'aide aux Palestiniens s'appelle Louise Michel. Un peu plus surprenant, il existe un prix Louise Michel, je cite, « récompensant une personnalité pour les vertus de dialogue, de développement et de paix, décerné par le Centre d'études politiques et de société de Paris ». Eh bien, il a été attribué à Jacques Chirac, Bouteflika, Ben Ali et Hosni Moubarak. Un spectre politique assez large. 1984, une promotion de l'ENA. Le groupe rock Louise Attaque se place sous son drapeau, ainsi que le film Louise Michel. Un très grand nombre de pièces de théâtre, de lectures de poèmes, de biographies, etc. sont souvent autant d'hagiographies conformes à la légende. L'histoire de France l'a reconnue. Partout en France, plusieurs centaines de rues, d'écoles primaires, de crèches, d'écoles maternelles, de collèges, de lycées, de centres sociaux, de refuges pour femmes en détresse, de maisons de retraite, des bibliothèques, un amphithéâtre d'université sont baptisés Louise Michel, ainsi que le très grand square sous le Sacré-Cœur à Paris. Un timbre-poste à son effigie, hommage aux femmes. Elle est même la seule femme à avoir une station de métro qui porte son nom. Et il y a une planète Louise Michel, et c'est une planète rouge. Voilà, ce n'est plus une femme, c'est une icône, c'est un mythe, c'est un monument. Et je vais faire un petit peu vaciller ce monument, car je pense que la légende que je viens de vous raconter doit être confrontée à la vérité historique, d'autant plus que nous sommes à la Bibliothèque nationale de France. Et je pense qu'on ne doit pas rester sur la légende, mais on doit l'examiner à la lumière des différentes recherches historiques qui sont faites depuis un certain nombre d'années, à partir de documents autographes, dont je citerai, par exemple, comme document, 1300 lettres d'elle ou à elle que j'ai recueilli, déchiffré et publié, ou bien la suite de ses mémoires qu'elle a écrites quelques mois avant sa mort, qui s'appelle « Histoire de ma vie ». Ce manuscrit a été découvert par la bibliothèque historique Marguerite Durand, ou bien l'étude des archives pénitentiaires par un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, Joël Dauphiné, ou bien encore le témoignage d'un Haut-Marnais, ça c'est un manuscrit qui a été découvert très récemment par l'association Louise Michel. Eh bien, on va voir que l'étude de ces matériaux et d'autres nuance, complexifie et parfois contredit complètement la légende et permet d'approcher davantage une vérité. Tension donc entre légende et histoire que je vais aborder trop rapidement en 6 points. Premier point, l'enfance. Dans ses mémoires, elle vit dans un château qui est un havre de paix et un lieu de convivialité pour une famille unie. Mais, dans une lettre qu'elle a écrite à Victor Hugo à 20 ans, elle avait à peu près 20 ans, une très belle lettre, l'atmosphère est très différente. Ne lisez pas entièrement ma lettre aujourd'hui. Vous la trouveriez trop longue et cette pensée me fait mal. Merci, oh merci mille fois. C'est du bonheur, au milieu de toutes mes peines, de me réfugier en vous comme dans un autre monde. Je ne vous écrirai pas souvent, mais de bien longues lettres où je vous enverrai toute mon âme. N'importe ce qui m'arrive, si je vous le confie, je souffrirai moins. Qu'importe la distance entre nous, mon âme est un rayon de la vôtre et je laisse courir ma pensée sans m'inquiéter. Avez-vous éprouvé parfois de ces instants où l'âme brise le corps? C'est ainsi que je mourrai, et si Dieu me donne des ailes, je veillerai sur vous. Dites-moi si vous avez éprouvé de ces pensées qui dévorent et qu'on ne comprend pas. Ce doit être la langue du ciel ou celle de l'enfer? On ne le sait que dans le tombeau. Tout me semble comme un rêve, et c'est peut-être le rêve qui est la vie. J'en suis venue à douter de tout, même de la réalité de l'existence. J'écrirai quelques pages de ma vie, mais pour vous seul. Tout ce que je vous dirai ne sera qu'entre Dieu et nous. Mais il m'est impossible de suivre une idée, et ces pensées que je ne puis démêler me déchirent. Il me semble que mon front se brise pour les laisser s'envoler, et je ne trouve pas une parole pour vous écrire. Hugo, ne m'oubliez jamais. Dites-moi que vous pensez à moi. Lors même que cela ne serait pas, dites-le-moi. Ma grand-mère avait élevé chez elle la fille d'une pauvre veuve. Son fils l'aima, puis l'abandonna, elle et son enfant. C'était ma mère. Tout le monde les repoussait. Mais malgré leur fils, les deux vieillards nous ont tendu les bras. Il se passa alors, m'a-t-on dit, des scènes affreuses entre tous les membres de la famille, et moi, j'étais la cause de tout cela sans même le savoir. Voilà pourquoi on me méprise, Hugo. Je ne puis vous dire toutes les impressions de mon enfance. C'est un mélange de douleur, de joie, de rêve, de destinée et de cette idée de la fatalité à laquelle croyait ma mère. Je me rappelle qu'un jour, une vieille femme me berçait dans ses bras en disant « Va dormir dans le cimetière, petite. » Ces paroles me sont toujours restées dans le cœur comme une malédiction. Une autre fois, c'était des jeunes filles qui me disaient en riant « Va-t'en chez ton père » et qui riaient plus fort parce que je pleurais. Et au milieu de tout cela, la figure sombre de mon père qui se dressait devant moi de temps à autre, à qui je tendais les bras et qui me repoussait. Alors on me disait « C'est que tu n'es pas assez sage, sans cela ton père t'aimerait. » Il y a encore une de mes peines qu'il faut que je vous dise. Celle-là est horrible. C'est de douter de la franchise de ma mère. Mon père soutenait que j'étais sa sœur et non sa fille. Je ne le crois pas, et pourtant c'est une pensée horrible que vous seul saurez jamais, et que je veux écarter de moi, car il me semble que c'est un crime envers ma mère si bonne et si franche. C'est une lettre magnifique, une lettre d'amour presque pour Victor Hugo, mais on voit que ce lieu d'enfance est devenu un lieu d'affrontement, de conflit, de déchirement, de mort. Une malédiction dont en plus elle se sent coupable, elle se sent responsable de ses morts. Et surtout, la question est, qui est son géniteur? Dans ses mémoires, elle affirme d'une façon très nette, elle est devenue à ce moment-là un chef de file révolutionnaire, mon père était le fils de Maïs, Laurent, et tout va bien. Mais on voit que dans cette lettre, à un moment, elle confesse, mais vraiment en pleine détresse, que son père aurait très bien pu être, non pas le fils, mais le vieux de Maïs, Charles-Étienne, celui qu'elle appelait grand-père. Cette hypothèse est très vraisemblable. Tout le village accuse le vieux séducteur, très connu, qui non seulement a fait un enfant à la bonne, mais essaie de faire endosser la paternité par son fils, qui refuse. Témoignage d'un voisin, le père de Maïs eut la triste idée de faire épouser Marie-Anne par son fils, Saint-Laurent. Sur son refus, il fut chassé de la maison paternelle, ne sachant où reposer sa tête et où se réfugier. Une image bien différente de ce bon grand-père. Le début de sa vie, donc, c'est qu'elle n'a pas été reconnue par son père, mais qu'en plus, elle s'est trouvée dans la quasi-impossibilité de désigner son géniteur, ce qui aurait très bien pu la faire plonger profondément, je dirais, dans la psychose et dans le déni de réalité. Et je pense que sa force, c'est qu'elle a réussi à ne pas s'en tenir à un refus et une révolte individuelle, mais que c'est dans le cadre de l'anarchisme, avec les compagnons, qu'elle a refusé et qu'elle s'est opposée à la société injuste, les gouvernements ineptes, les coutumes barbares. Et donc, elle a fait de sa révolte, qui aurait pu être un petit effondrement individuel, une grande révolte politique. Deuxième point que je voudrais aborder, la commune. Quel a été son rôle réel? C'est difficile à dire. En tout cas, elle ne fut pas chef d'insurrection, comme ça a été écrit sur cette photo de Appert, pour la bonne raison qu'elle n'avait aucun pouvoir légal. Les dirigeants de la commune ont été élus, et en tant que femme, elle n'était pas électrice. Elle n'est bien sûr pas éligible, ça c'est voilà la réalité. Mais un pouvoir de persuasion, oui, ça, certes, elle l'avait, une capacité à convaincre, à galvaniser les troupes et même à haranguer les dirigeants eux-mêmes. Quant à se battre avec une intrépidité folle, nous avons un témoignage en la personne de Georges Clémenceau, qui, lorsqu'il était maire du 18e arrondissement, était très proche d'elle. Ils sont restés d'ailleurs amis après. Il l'a décrit au fort d'ici. « Pour empêcher qu'on tue, elle tuait. Comment elle ne fut pas tuée 100 fois sous mes yeux, c'est ce que je ne puis comprendre. Et je ne la vis que pendant une heure. » Et le journal officiel du 10 avril rapporte: dans les rangs du 61e bataillon au Moulineau, combattait une femme énergique et l'a tué plusieurs gendarmes et gardiens de la paix. Comment ensuite l'a-t-on vu lors de son procès? Devant le 6e conseil de guerre, à l'audience du 16 décembre 1871, monsieur le greffier Duplan la met en accusation. Quel est le mobile qui a poussé Louise Michel dans la voie fatale de la politique et de la révolution? C'est évidemment l'orgueil. Fille illégitime, élevée par charité, au lieu de remercier la Providence qui lui avait donné une instruction supérieure et les moyens de vivre heureuse avec sa mère, elle se laisse aller à son imagination exaltée, à son caractère irascible, et après avoir rompu avec ses bienfaiteurs, va courir l'aventure à Paris. Le vent de la Révolution commence à souffler. C'est le moment d'entrer en scène. Mais le rôle de comparse répugne à Louise Michel. Son nom doit frapper l'attention publique et figurer en première ligne dans les proclamations et les réclames trompeuses. Il ne nous reste plus qu'à donner la qualification légale aux actes commis par cette énergumène, depuis le commencement de la crise épouvantable que la France vient de traverser, jusqu'à la fin du combat impie auquel elle prit part au milieu des tombes du cimetière Montmartre. Intimement liée avec les membres de la commune, elle connaissait d'avance tous leurs plans. Elle les a aidés de toutes ses forces, de toute sa volonté. Bien plus, elle les a assistés et souvent, elle les a dépassés. Elle leur a offert de se rendre à Versailles et d'assassiner le président de la République afin de terrifier l'Assemblée et, selon elle, de faire cesser la lutte. Elle est aussi coupable que Ferré, le fier républicain, qu'elle défend d'une façon si étrange et dont la tête, pour nous servir de son expression, est un défi jeté aux consciences et la réponse une révolution. Louise Michel, alors, rejette son voile qu'elle avait devant son visage. Elle regarde fixement le président du tribunal qui lui demande « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?»« Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément, oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale et que la révolution sociale est le plus cher de mes vœux. Bien plus, je me fais honneur d'être l'un des promoteurs de la Commune. Pourquoi me défendrais-je ? Je vous l'ai déjà déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Vous êtes devant moi à visage découvert. Vous êtes des hommes ? Et moi, je ne suis qu'une femme, et pourtant, je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera en rien votre sentence. Donc, un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution, je le jure par nos martyrs tombés sur le champ de Satori, par nos martyrs que j'acclame encore ici hautement, et qui un jour trouveront bien un vengeur. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Prenez ma vie, si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire. Eh bien, le commissaire de la République a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. C'est évidemment cette attitude à son procès qui lui a valu sa grande popularité, beaucoup plus que son action pendant la Commune. Et un poème de Victor Hugo qu'il a écrit pour elle en décembre 1971, donc juste après son procès. Et ce poème a joué un très grand rôle dans la constitution de la figure légendaire. Voici Virot Major. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais « J'ai tué, car tu voulais mourir. » Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith, la sombre juive, Aria, la romaine, eussent battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais au grenier « J'ai brûlé les palais. » Tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule. Tu criais « J'ai tué, qu'on me tue. » Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser. Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser. Ton œil fixe pesait sur les juges livides et tu songeais, pareil aux graves Euménides. La pâle mort était debout derrière toi. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains, ceux-là, femme, devant ta majesté farouche, méditaient. Et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré le maudisseur qui, s'acharnant sur toi, te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyez resplendir l'ange à travers la méduse. Troisième point, Théophile Ferré, l'amour. J'ai osé utiliser ce mot. Et qui est Théophile Ferré ? C'était un délégué à la Sûreté Générale, c'est-à-dire l'équivalent d'un ministre de l'Intérieur. Il a été un des plus intransigeants parmi les dirigeants de la Commune, celui qui a signé l'ordre d'exécution des otages, et donc, logiquement, le Conseil de guerre ne pouvait que le condamner à la peine capitale. Mais Louise Michel, incarcérée à Satory, dans la partie des femmes et lui dans la partie des hommes, ne peut pas supporter cette idée et elle va tout faire pour le sauver. Elle va écrire lettre sur lettre à toutes les autorités compétentes pour expliquer que Ferré était l'homme le plus généreux du monde, qu'elle est beaucoup plus coupable que lui et en fait elle voudrait se sacrifier à sa place. Est-ce que Louise Michel et Ferré ont été amants, comme on l'a dit ? On vendait même dans les rues des cartes. Louise Michel, maîtresse de Ferré, c'est peu probable. Mais tout de même, Ferré, ce Saint-Just peu enclin au sentiment, a répondu aux lettres exaltées de Louise Michel, tout en lui disant de se calmer un peu, et il lui a écrit une heure avant son exécution. 6 heures du matin. Chère citoyenne, je vais bientôt quitter toutes les personnes qui m'ont été chères et qui m'ont montré de l'affection. Je serais un ingrat si je ne vous manifestais pas à ce moment toute l'estime que je ressens pour votre caractère et votre bon cœur. Plus heureuse que moi, vous verrez luire des jours meilleurs. Et les idées auxquelles j'ai tout sacrifié deviendront triomphantes. Adieu, chère citoyenne, je vous serre fraternellement la main. Votre tout dévoué, T.H. Ferré, au terme de ses jours. Ensuite, elle a été transférée à la prison d'Aubrive, et là, elle a écrit beaucoup de lettres à l'abbé Follet, donc qui était dans le secret de son rapport avec Ferré, lettres toutes sur papier bordé de noix, c'est-à-dire des faire-part de décès. Et ce sont des lettres déchirantes d'une femme brisée, en pleine dépression, qui implore une consolation, qui fait part de son désir de se suicider, ce qui serait un moyen de rejoindre l'autre, on ne sait pas où, et pire, peut-être, sa foi révolutionnaire paraît tout à fait ébranlée. Alors là, nous sommes au plus loin de l'image de l'indomptable guerrière qui est restée dans l'histoire un peu légendaire, bien sûr. Quatrième point, la Nouvelle-Calédonie. La déportée recueille, puis publie des légendes, des chants de gestes kanaks, avec un lexique des dialectes, ce qui dénote une véritable reconnaissance, sinon connaissance, mais en tout cas reconnaissance rare, de la culture d'un peuple que les Blancs considéraient uniquement comme de dangereux anthropophages, voire des animaux. À l'époque, le distingué anthropologue Monsieur de Quatrefages a bien étudié la peau du nègre, je le cite, et il a conclu que le noir du Pacifique fait bien partie de l'espèce humaine. C'est l'époque où on expose des os humains, et donc le livre de Louise Michel, bien sûr, témoigne d'une ouverture d'esprit et d'une générosité rare. Mais c'est un travail très peu scientifique, très inférieur à celui fait, par exemple, par les pères maristes qui évangélisaient la Nouvelle-Calédonie à l'époque. Un camarade de déportation, Johannes Caton, parle de ces légendes kanaks très originales, mais sorties tout entière de son imagination, car elle ne connaît de la vie indigène et de la Nouvelle-Calédonie que ce qu'elle en voit par les quelques naturels qui lui apportent ses vivres. En effet, comme tous les déportés, elle est confinée dans la presqu'île du Cos, où ne vit aucune tribu Kanak. Et donc, elle ne s'est pas promenée la nuit sous les cocotiers, comme on l'a dit, pour deviser avec femmes et hommes et enfants, ou pour rencontrer ces guerriers Kanak. Je la cite, « vêtue complètement sauvage, c'est-à-dire pas du tout ». Elle avait quand même le sens de l'humour, hein. Donc, impossible pour elle, bien sûr, de les rencontrer. Ensuite, 5 ans après, à Nouméa, elle pourra faire l'école à un petit groupe de Kanak et elle pourra enrichir un petit peu son vocabulaire. Quant à aider les Kanak lors de la grande insurrection de 1878, même si elle l'avait voulu, elle en aurait été évidemment incapable, puisqu'aucun rebelle ne pouvait même approcher de l'enceinte fortifiée, hein, de la presqu'île du Kos. Est-ce qu'elle a voulu vraiment les aider ? Ce n'est pas sûr du tout. Il est quand même plus vraisemblable qu'à l'époque, elle a eu pitié des Blancs égorgés par des Kanaks. Et c'est pour ça qu'elle a demandé à Victor Hugo de l'argent pour les familles blanches attaquées par les Kanaks. Plus tard, elle a réfléchi et elle écrira dans ses mémoires. Faut-il tout avouer ? Eh bien, ce sont mes amis noirs surtout que je regrette, les sauvages aux yeux brillants, au cœur d'enfant. Eh bien oui, je les aimais, et je les aime. Et ma foi, ceux qui m'accusaient au temps de la révolte de leur souhaiter la conquête de leur liberté avaient raison. Qu'on en finisse avec la supériorité qui ne se manifeste que par la destruction. Alors, dans ce seul paragraphe, il y a 3 éléments qui se côtoient. Une sympathie très maternaliste pour les indigènes, peuple enfant, bon sauvage. Une distorsion de la vérité, puisqu'elle n'a pas pu pousser qui que ce soit à la révolte. Et tout de même, une dénonciation des exactions commises par les colonisateurs. Elle, ce qu'elle aurait voulu, c'est civiliser les sauvages grâce à des écoles et non pas à coups de canon. Ce sont ses termes. Dans ses mémoires également, elle dit avoir sympathisé avec Elmo Crani, c'était un des grands chefs de la révolte kabyle, et il a été déporté en même temps qu'elle en Nouvelle-Calédonie. Elle ajoute dans ses mémoires : l'un des rares Arabes soulevés contre l'oppression qui sont revenus, Elmo Crani, étant venu à l'enterrement de Victor Hugo, vint à Saint-Lazare, où j'étais alors, et croyait pouvoir me parler. Mais ne s'étant pas muni d'une permission, cela fut impossible. Eh bien, une récente exposition à l'Institut du monde arabe, Khaldoun, montre que c'était affiché une lettre de refus de l'administration pénitentiaire à Elmo Crani, qui demandait la permission de quitter la Calédonie. Elmo Crani avait pourtant combattu les Kanaks, les armes à la main, pour aider la France, mais il n'a obtenu la grâce présidentielle qu'en 1904 et Victor Hugo est mort en 1885. Donc, je ne sais pas comment l'appeler, une telle contre-vérité, confusion, invention de la part de Louise Michel nous oblige à lire les mémoires avec une certaine circonspection. 5e point, la femme de lettres, très importante à mon avis. Louise Michel a énormément écrit, c'est une polygraphe, elle a publié 22 livres de son vivant et elle en a écrit ou projeté d'écrire encore beaucoup plus dans absolument tous les genres littéraires. Les nouvelles, si je cite un seul titre, je crois que ça évoque quelque chose, un des titres de ces nouvelles, c'est « Le claque-dent ». Elle a écrit des poèmes, alors là, des poèmes à foison. Elle a écrit également des contes pour enfants, comme La famille Pouffard. Elle a écrit un opéra, peut-être le début seulement. Elle a écrit plusieurs romans, comme Les microbes humains, j'adore ce titre, ou comme La misère. Alors, roman fleuve paru en livraison, c'est-à-dire sur le principe du roman feuilleton, 40 000 abonnés, un gros succès. Impossible à raconter, car elle n'hésite pas à accumuler les digressions, l'intrigue dans l'intrigue, les personnages à double ou triple face, les vivants qui meurent, bien sûr, mais aussi les vivants qui revivent, les changements de lieu, la Sibérie, Nouméa, Paris, Toulon, les changements de sexe, tout en maintenant toujours le cap sur la question sociale. Elle a écrit également, bien sûr, des essais, comme son premier livre, « L'heure dans l'ombre, plus d'idiots, plus de fous », un livre passionnant. Elle a écrit des mémoires. Elle a écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées, comme « Le bâtard impérial ». Et parmi les actrices, elle aimait beaucoup Sarah Bernard, dont elle se sentait très proche. L'actrice vivant sur de si hauts sommets, et elle dans l'abîme, comme elle le lui écrit elle-même dans un poème. Quelque chose pourtant en nous est pareil. Nous-mêmes avons pris la liberté sublime, vous dans l'art, moi dans les foules en éveil, et nous allons les yeux fixés sur l'idéal. Autre point commun, toutes deux nous aimons les grands fauves superbes. Alors il faut quand même préciser que pour Sarah Bernard, c'était un léopard, pour Louise Michel, un vieux chien galeux et estropié. Quoi qu'il en soit, Louise rêvait de faire jouer la fiancée de Prométhée à Sarah. Et elle a également travaillé, Louise Michel, à une encyclopédie. Alors on peut rapprocher certaines œuvres micheliennes de celles de ses contemporains. Bien sûr, de Hugo pour l'inspiration, de Zola pour les convictions, des deux pour la peinture des Misérables. Ce n'est pas pour rien qu'elle appelle la misère après Hugo les Misérables, et pour l'espoir d'un Germinal. Ses romans se rattachent à la veine feuilletonesque Eugène Sue, Alexandre Dumas. Certains poèmes ressemblent aux chansons de Clément ou de Potier, avec leur côté pathos. Claironnant même quelquefois. Certaines œuvres fantastiques et utopistes peuvent évoquer Jules Verne avec leur imagination très fertile. Son œuvre de vulgarisation scientifique fait penser à Camille Flammarion pour sa sensibilité poético-savante au mystère de l'univers. Mais son œuvre est unique. Elle reflète son étrange personnalité et elle est aussi foisonnante, syncopée, mouvementée et riche que sa vie. Louise Michel et elle seule, je crois, pouvaient écrire ce vers puissant et trouble « Ô révolution, mère qui nous dévore ». Ce qui m'amène au sixième et dernier point, une envolée politique et féministe. Femme, j'ai le droit de parler des femmes. Les êtres, les races, et dans les races, ces deux parties de l'humanité, l'homme et la femme, qui devraient marcher la main dans la main, et dont l'antagonisme durera tant que la plus forte commandera ou croira commander à l'autre, réduite aux ruses, à la domination occulte qui sont les armes des esclaves. Partout, la lutte est engagée. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l'homme. Le sexe fort descend jusqu'à flatter l'autre en le qualifiant de beau sexe. Pour ma part, camarade, je n'ai pas voulu être le potage de l'homme et je m'en suis allée à travers la vie, avec la vile multitude, sans donner d'esclave au César. Est-ce que ce n'est pas la même chose partout? Est-ce que la vanité bête de la force ne pose pas au nombre des arguments à l'infériorité des femmes que la maternité ou d'autres circonstances les gêneraient pour combattre? Avec cela qu'on va toujours être assez bête pour s'égorger? Et du reste, les femmes, quand la chose vaut la peine de se battre, n'y sont pas les dernières. Le vieux levain de révolte qui est au fond du cœur de toutes fermente vite quand le combat ouvre des routes plus larges où cela sent moins le charnier et la crasse des bêtises humaines. Elles sont dégoûtées, les femmes. Les vilainies leur font lever le cœur. Un peu moqueuses aussi, Elles saisissent vite ce qu'il y a d'épatant à voir des gommeux, des fleurs de gratin, des pchuteux, des petits crevés enfin, jeunes ou vieux, drôles, crétinisés par un tas de choses malpropres et dont la race est finie, soupesés dans leurs pattes sales les cerveaux des femmes. Comme s'ils sentaient monter la marée de ces affamés de savoir qui ne demandent que cela au vieux monde, le peu qu'il sait. Ils sont jaloux, ces êtres qui ne veulent rien faire, de toutes les ardeurs nouvelles qui ravissent le dernier miel à l'automne du vieux monde. Il y a beau temps que les Américaines et les Russes ont secoué les bêtes questions de sexe et qu'elles suivent les mêmes cours que les hommes. Ils n'en sont pas jaloux, se sentant capables du même zèle et ne comprenant pas qu'on s'occupe davantage des sexes que de la couleur de la peau. Jamais je n'ai compris qu'il y eût un sexe pour lequel on chercha à atrophier l'intelligence comme s'il y en avait trop dans la race. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. Mais quelquefois, les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres. C'est bien fait. Il ne fallait pas séparer la caste des femmes de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas de marché où l'on vend, dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot? L'une la prend qui veut, l'autre, on la donne à qui veut. La prostitution est la même. Esclave est le prolétaire. Esclave entre tous est la femme du prolétaire. Nous sommes au cœur de sa pensée. Elle a eu l'originalité, l'intelligence, de faire le lien entre toutes les oppressions. Elle disait « tout se tient, tous les crimes de la force ». D'abord son féminisme égalitariste pour une moitié de l'humanité qui veut prendre sa place sans la mendier, comme elle le disait. Féminisme soutenu par une pensée très actuelle, parce que vous avez pu remarquer que bien avant Simone de Beauvoir, elle dit que le mariage est une prostitution légalisée et elle dénonce ceux qui créent la situation d'esclavage des prostituées, proxénètes et clients. S'il n'y avait pas tant d'acheteurs, on ne trafiquerait pas sur cette marchandise. Deuxième temps, son programme politique, qui tient en un mot, un seul, cyclone. Elle ne s'exprime que par métaphore littéraire. Après une longue nuit de souffrance, un cataclysme volcanique de type tsunami, la mer des révolutions nous emportera dans sa crue. Va tout balayer. Et un monde entièrement nouveau va apparaître à nos yeux éblouis. Ne discutons pas, aveugles que nous sommes, l'aurore qui se lève. Politique et poésie sont une seule et même chose. D'autres femmes se sont battues sur les barricades de la Commune, ont écrit des livres, ont fait des conférences. Nathalie Lemel, André Léo, Paul Mink, Elisabeth Dmitrieff, pour ne citer que les plus importantes. Et elles ont eu un rôle réel, mais aucune n'est aussi connue que Louise Michel, car je crois qu'aucune n'a eu cette force de conviction qui est liée à sa façon d'écrire, avec ce lyrisme enflammé qui progresse par association d'idées, association de sensations et d'émotions fortes, et pas du tout d'une façon linéaire. Et le surnom qui lui a été donné le plus souvent, la Vierge Rouge, n'est pas innocent. Cette virginité brandie comme un drapeau la met en quelque sorte au-dessus des autres femmes. Comme Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, elle est nimbée d'une sorte de pureté, elle n'est pas entamée par l'homme. Elle-même a justifié son choix du célibat par sa volonté de se consacrer entièrement à la lutte, exactement comme une religieuse se donne entièrement à Dieu. Contrairement aux autres communeuses qui ont eu mari, amant, enfant. Et peut-être aussi a-t-elle sublimé sa libido en la faisant entendre dans ses prophéties, dans ses incantations. Son langage est érotisé, ses écrits et discours sont chargés jusqu'à la gueule d'émotionnel à en exploser. Là, oui, Louise Michel est bien une femme d'exception, une femme au verbe haut. La révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. C'était L'éloge du savoir, le salon de lecture de la Bibliothèque nationale de France, Louise Michel, une conférence de Xavier Gauthier. Réalisation Anne de Pelchin, présentation Christine Goémé. Première diffusion sur France Culture le 26 mai 2012. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.